On va parler de la Ligue junior régionale, la Ligue JMS avec notre ami Pierre Gay. Salut Pierre. Bonjour Danny. Pierre, la semaine passée, on n'a pas été capable de se parler. Ça arrive des fois de temps en temps, mais regarde, ça fait partie de la vie. Ça arrive dans la meilleure famille, comme on dirait, mais on est revenu cette semaine. On va faire le tour de la Ligue, ce qui s'est passé en fin de semaine. Ben, les Castors de Dolbeau, eux autres, pour nous, ils se sont inclinés au tournoi à Saint-Anselme en demi-finale. On va en parler prochainement. Sauf qu'on va parler maintenant ça a été tranquille en fin de semaine. Hein? Je regarde la classe. Il y a eu quoi? Quelques matchs dans le niveau midget, dont le Marcos Pop de Saint-Félicien qui a perdu contre les Aiglons d'Allemagne. Oui, j'étais présent à la partie, puis on a eu tout un excellent match. Je peux te dire qu'on avait pris les gens 4-1 pour la période, mais le Marcos Pop, à 2 minutes de la fin, mais 6-5. C'était tout un revirement, puis... Ils ont manqué 2-3 belles chances en supplémentaire, puis les Aiglons en ont profité pour remporter la victoire. OK, OK. Et donc, par la suite, 24 novembre, les Vikings de Baie-Comeau et les Saguenay-Chicoutimi, c'était un programme double. Les Vikings jouent contre les Saguenay d'abord, et c'était une victoire de 4-2. Ouais, j'ajoute, les Vikings, moi, je ne les ai pas encore vu jouer, parce que là, la seule fois qu'ils sont venus, je pense qu'ils ont joué à moi en fin de semaine, mais c'est Daniel qui était là. Ils jouent un jour au Saguenay. Au Saguenay, ben c'est surtout Danny et Steve qui vont les voir jouer. C'est vrai qu'ils ont une équipe pas pire, les Vikings. Okay. Les Saguenay, c'est pas un mauvais club, les Saguenay. C'est-tu eux autres qui l'ont arraché pas mal? Je veux dire, en début de saison, qu'il a fallu faire plus tard, fallu commencer en retard. C'est-tu eux autres? Oui, c'est eux autres. C'est Baie-Comeau puis Satyrs. Okay. On a commencé plus tard. Puis les Saguenay ont eu de difficultés au début parce que le seul gardien de but qu'il y avait joue junior à Alma. Puis c'est un joueur dans le midget. Okay. Il n'y avait pas de gardien non plus, mais on a pas un mauvais club, je suis timide. OK. Et dans l'autre match, ça s'est soldé par une victoire des Aiglons d'Alma contre les Vikings par la marque de 5-2. Ça se passait à l'aréna de Saint-Bruno. 25 novembre, les Saguenayens 2. On défait les Saguenayens 1-3-1. Ça, c'est les Marquis de Jonquière et les Saguenayens de Chicoutimi, en fait. Il y a une équipe à Jonquière et une équipe à Chicoutimi, c'est ce que je peux comprendre, c'est ça? Oui, en plein ça, oui. OK. Donc, est-ce que tu n'as pas entendu parler de ce match-là? Non, mais c'est un dernier qui va, c'est partout au Saguenay, fait que on se parle les games pour que ça coûte moins cher à aller. OK. Eux sont au Saguenay. OK. Donc, on va y aller maintenant du côté junior. Du côté junior, il y avait quand même des matchs également. Les Sabres de Robertval, il n'y avait qu'un seul match du côté des Sabres. C'était j'ai mis la musique avec mon ordinateur, donne-moi une petite seconde. Donc, c'était, oui, une victoire des Marquis 5-0 contre les Sabres. Ouais, il semble... On voit de plus en plus que les Sabres ont beaucoup de difficultés contre les Marquis. Les Marquis semblent avoir le numéro des Sabres à tout point de vue, parce que quand ils se rencontrent, on dirait que Robertval se présente pas. Je sais pas ce qui se passe avec Robertval. Pourtant, Robertval a un excellent club aussi. On va parler avec Guillaume, avec ton gars tantôt. Et les Éperviers de Normandais, en fin de semaine, du côté des Éperviers, deux autres victoires, cette fois de 7-0 et de 4-1. Oui, les Éperviers, après avoir été tranquilles pendant deux semaines, sont venus dans la lutte avec deux belles victoires en fin de semaine. Donc, ça a resserré le classement un peu. Vu la défaite des Marquis dimanche contre les Saguenayens, ça s'annonce beau pour la fin de saison. On est rendu au-dessus de la moitié. On a 16 parties de on en joue 28. Tandis que des 10-12 dernières games, là, ça devrait être... on devrait avoir une excellente fin de saison. OK. Et les Marquis qui ont perdu 3-1 contre les Saguenayens. Oui, encore un excellent match entre ces deux clubs-là. C'est toujours une belle rivalité. OK. Et encore une fois, les Saguenayens ont sorti vainqueurs pour s'approprier la première position avec les Marquis. OK. Dis-moi maintenant, il y a le tournoi junior régional qui débute. Ça va débuter bientôt, hein? Je pense que ça commence jeudi soir, le tournoi junior. Nos 5 équipes sont présentes. Je ne peux pas te dire comment il y a d'équipe dans la 2A. Je ne vais pas regarder encore le tableau. Là. Si nos 5 équipes vont représenter la Ligue, puis je pense qu'on devrait, comme à toutes les saisons, avoir une finale peut-être régionale ou certainement une équipe de la Ligue qui va être en finale, ça c'est sûr. Donc on espère évidemment. Ben, ça fait pas mal le tour pour cette semaine, Pierre. Oui, Danny, en plein ça. Donc on rappelle évidemment que cette chronique est une commandite d'identification sport, donc pour tous vos besoins, que ce soit pour des vêtements spécialisés ou encore des sacs de voyage, c'est Identification Sport qu'il faut aller. Identificationsport.com pour voir tous les produits. Pierre, on s'en reparle bientôt. Oui, merci d'arriver. Pierre Bye. Guy, notre collaborateur.